bienvenue dans mon 34 South France, Southside, South Pras, sale race des putains de faux airs de South Park. 34 South France, Southside, South Pras, tellement hook dans nos cerveaux de malades, c'est Star Wars. 34 South France, Southside, South Pras, sale race des putains de faux airs de South Park. 34 South France, Southside, South Pras, tellement hook dans nos cerveaux de malades, c'est Star Wars. Bienvenue dans mon coupe-gorge, deuxième étage, maison du temps libre. Le jour du Shabbat, on te pète les gencives. Valet tout de Muay Thai, noblar ou grappling. Je représente mes gars dans le rap, ils me représentent dans le ring. J'avoue que c'est mortel comme bande mortel, brise ou conteste. Ma putain de vendetta, ça me rage David ou KR. La sale gueule bouilla, encore un gars coulé à terre. La sale gueule bouilla, l'arbitre va niquer ta mère. Les gars débarquent et veulent faire leur preuve. Comme un négro zayette, les vieux de la vieille se rappellent nos débuts dans la cave de Kassem. À pousser, à tirer de la folle jusqu'à entendre les barres. À se foutre sur la gueule jusqu'à voir ce putain de rideau noir. Appelle ça nappe dans nos glissades, peu importe les visages, emporte les stigmates. Appelle ça knockdown ou glissade, peu importe les visages, emporte les stigmates. Bienvenue dans mon 34 South France, Southside, South Pras, sale race des putains de faux airs de South Park. 34 South France, Southside, South Pras, tellement hook dans nos cerveaux de malades, c'est Star Wars. 34 South France, Southside, South Pras, sale race des putains de faux airs de South Park. 34 South France, Southside, South Pras, tellement hook dans nos cerveaux de malades, c'est Star Wars. Appelle-moi Eric Cartman, un hommage à mon pote Juice alias Eric Quesada, puis à son âme. À la putain de sa mère. Cette phrase résonne encore dans mon crâne. Je représente nos disparus comme nos légendes. Chez nous pas constat à l'amiable, juste des putaines mises à l'amende. Anakin Skywalker débarque de la zone 51. Pas de vaisseau spatial, juste un gros joint. Anakin Johnny Walker au pastis 51. La voile est pas plus pour qu'on décolle, pas plus pour que ça parte en couille, pas plus pour que ça sente la tôle, jamais d'emprunt sur les douilles. Un truc de ouf qui aurait cru qu'on allait changer de route. Entre Dub, Zaebit, sur entre Nesby et Plan Louche. T'emménages près de mon coupe-gorge, pas le train, vaut mieux pas que tu l'ouvres. Car même rangé de bordel, je reste en contact avec ma troupe. Garantie si tu t'emportes, on viendra te baiser sous la douche. Dans mon 34 South France, Southside, South Pras, sale race des putains de faux airs de South Park. 34 South France, Southside, South Pras, tellement hook dans nos cerveaux de malades, c'est Star Wars. 34 South France, Southside, South Pras, sale race des putains de faux airs de South Park. 34 South France, Southside, South Pras, tellement hook dans nos cerveaux de malades, c'est Star Wars. Ne frappe pas au visage, ou tu combattras plus jamais. Séparez-vous, mettez-vous dans vos coins, allez. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts?